Les événements de fin de cycle. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'humanité de l'époque présente est en train de vivre une mutation. Et cette mutation se produit au niveau de sa psyché et va s'accélérer au fil des prochaines décennies. Et en relation avec cette dernière, il y a des événements qui sont engendrés par des forces, parce qu'il y a des forces qui sont en état de résistance, en état d'opposition au changement psychique de l'humanité, c'est-à-dire les forces du plan astral, qui ont influencé l'humanité depuis des millénaires. Et en même temps, il y a de plus en plus la manifestation de forces du plan mental qui cherchent à pénétrer le plan astral, à le dépasser et à rejoindre des êtres humains pour les amener à avoir des comportements en relation avec ce plan d'énergie qui sont extrêmement différents de ceux qu'ils pouvaient avoir tant aussi longtemps qu'ils étaient liés avec des entités résidant sur le plan astral. Donc, autrement dit, un être humain peut être influencé par de la pensée qui provient du plan astral et aussi du plan mental. Et les événements de fin de cycle que des êtres humains connaissent à l'époque présente est lié au fait que l'humanité ne sera plus régie par l'influence d'entités astrales et que les entités du plan mental vont de plus en plus se dévoiler à l'être humain plutôt que de rester en état d'observation, étant donné qu'au cours des siècles derniers, l'être humain n'avait pas un taux vibratoire suffisamment élevé pour intégrer et composer intelligemment avec une communication télépathique provenant du plan mental, donc n'ayant pas la capacité de supporter la présence de l'énergie mentale, cette énergie était demeurée voilée à l'être humain. Et à ce moment-là, l'être humain fonctionnait en fonction de l'énergie astrale qui lui était accessible. Mais lorsque l'être humain, pendant un certain nombre d'années, de siècles, a développé des corps d'énergie plus sophistiqués, il développe à présent la capacité d'intégrer davantage d'énergie, un peu comme un fil qui est capable de supporter plus de courant sans fondre. Et c'est ce qui fait en sorte que des entités du plan mental vont se manifester de plus en plus à des êtres humains, ce qui va faire en sorte que le cycle de l'humanité présente qui s'est développé sous l'influence d'entités astrales va prendre fin. Bien entendu, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont déstabiliser le collectif de l'humanité en relation avec la fin de ce cycle, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une force remplace une autre, eh bien, il y a de la résistance de la force qui était là et qui avait son emprise, parce qu'elle ne veut pas perdre son pouvoir. C'est un petit peu comme dans le domaine du commerce, il y a une nouvelle entreprise qui se développe, qui veut aller chercher des parts de marché d'une ancienne entreprise qui avait le monopole sur le marché au niveau économique par rapport à la vente d'un produit. Et là, tout d'un coup, whoop, il y a une nouvelle entreprise qui apparaît et la nouvelle entreprise veut aller chercher des parts de marché à l'autre. Fait que c'est sûr que l'autre entreprise, en réaction avec cela, elle va créer de l'opposition, elle va essayer de retarder cela le plus longtemps possible parce qu'il y a des entités pendant des millénaires sur le plan astral, qui ont eu beaucoup de pouvoir d'ingérence dans la vie des êtres humains en leur acheminant des pensées à leur insu et qui n'ont aucun, mais aucun intérêt à ce que l'être humain réalise que la pensée n'origine pas de lui parce qu'elles ont utilisé ce superfuge qui consiste à faire croire à l'être humain que la pensée provient de lui pour l'amener à agir d'une certaine façon et d'avoir le contrôle, d'avoir une emprise sur lui à son insu. Donc, ce qui est assez subtil. Et des événements de fin de cycle vont viser à cette déstabilisation de l'état planétaire et de sa gestion. Donc, autrement dit, les événements vont être occasionnés par des forces au niveau individuel, pour des changements psychiques individuels. Ça peut être, par exemple, la fin de cycle d'un individu en relation avec le plan astral et dans l'entrée d'une vibration qui est plus mentale. Ça peut être suite à un accident d'automobile, un accident de moto, une perte d'emploi, ensuite des déceptions, donc quelqu'un qui a joué de gros montants d'argent à la loterie et qui est dans une situation de faillite. Donc, lorsque sa façon de se comporter d'une manière machinale en relation avec le plan astral est mise en échec, l'individu est obligé de réaliser qu'à quelque part, ce n'est pas lui qui contrôle sa vie, parce que sans ça, il n'aurait pas choisi de vivre des événements désagréables. Donc, à ce moment-là, il doit réaliser qu'à quelque part, il y a des forces qui l'amènent à vivre des événements qu'il n'a pas désirés consciemment. Et si l'individu s'intériorise suite à un événement qui, du point de vue de son ego, est difficile, eh bien, à ce moment-là, il réalise qu'à l'intérieur de lui, il reçoit des pensées, que ça parle en lui, et là, il apprend à composer par rapport à ça et à prendre sa distance. Donc, la fin du cycle où l'humanité était régie par le plan astral prend fin sur une base individuelle pour l'être humain qui se libère d'influence du plan astral et qui va vivre un contact avec le plan mental et qui va intégrer cette vibration-là. Donc, quelqu'un qui se trouve dans le cycle de l'âge de la fusion entre l'âme et l'esprit, c'est un être qui s'est libéré de l'âge de la fusion de sa conscience avec le plan astral qui lui donnait l'impression que c'est lui qui pense. Donc, autrement dit, il vit dans un temps différent, il vit dans un cycle d'évolution nouveau, un cycle avec une plus grande transparence, c'est-à-dire que plus que l'individu est inconscient, plus que sa conscience est opaque et plus que son rapport avec la pensée est un rapport de niveau purement fusionnel. Tandis que lorsque la personne s'intériorise et qui est capable de prendre une distance par rapport à la pensée, cette modification du rapport l'inscrit dans une dynamique de vie, dans son quotidien, qui est totalement différente. Donc, autrement dit, la personne complète un cycle d'évolution où elle était sous influence astrale pour en entamer un sous influence du plan mental, mais c'est une influence qui est plus créative et la vibration est plus haute. Donc, autrement dit, il délaisse une vibration plus basse, le plan astral, donc un dépouillement qui doit se faire d'attache en lien avec le plan astral, comme des mémoires, des croyances et des préjugés, pour laisser de la place en lui, dans son aura, dans sa structure énergétique, pour intégrer la vibration mentale et construire son corps d'énergie mentale. Et en relation avec ce changement-là individuel, c'est que plus il y a d'individus qui vivent cela un peu partout sur la surface de la Terre, et plus la vibration mentale s'incarne dans la matière et va pénétrer la psyché de la collectivité indirectement, parce que chaque individu en relation avec le plan mental, ça les amène à parler en relation avec lui, donc à manifester une vibration par la parole, aussi à travers l'écrit, à travers les arts et à travers les différentes actions qu'elles ont dans le quotidien qui vont faire un rayonnement de cette conscience-là au niveau planétaire. Et plus de gens sont exposés à ça, plus que ça occasionne des changements vibratoires et des changements psychiques en relation avec cela. Et lorsqu'une masse d'individus aura été mise en vibration avec le plan mental et aura intégré cette énergie, eh bien à ce moment-là, le cycle au niveau collectif de l'intégration de la vibration mentale va être entamé. Donc, ça va marquer la fin du cycle du plan astral par l'émergence d'un autre cycle de développement, un autre âge de l'humanité. C'est sûr que les événements de fin de cycle sont occasionnés pour déstabiliser l'humain actuel qui fonctionne d'une certaine mécanicité. Et si les choses vont bien pour un individu ou une collectivité, habituellement, il n'y a pas de remise en question qui s'effectue parce que ça fonctionne. Mais c'est lorsque les gens réalisent les limites de certains comportements que là, un changement peut s'opérer. Donc, les événements de fin de cycle en relation avec ces derniers, il y a des perturbations au niveau climatique que des êtres humains vont subir. Il y a notamment la montée des océans. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des chocs qui vont être occasionnés par rapport au fait que des gens habitent présentement à des endroits qui ne sont pas appropriés pour une habitation à long terme. Donc, c'est sûr que s'il y a des endroits qui sont appelés à être inondés, les gens sont au courant, mais qui restent là pareil, bien, c'est sûr que tôt ou tard, lorsque les inondations vont en cours, eh bien, si la personne qui est en puissance ou en contact avec des entités astrales croit que c'est approprié d'être là, bien, c'est sûr que si elle s'entête à sa chambre, bien, elle va subir des événements qui vont lui démontrer le contraire, ce qui va faire que tôt ou tard, elle va être obligée de se remettre en question et de modifier son comportement. Donc, autrement dit, les événements de fin de cycle sont en relation avec la fin d'une civilisation qui fonctionnait en lien avec le plan astral. Et ça a amené beaucoup de comportements disharmonieux parce que les entités sur le plan astral sont en voie d'évolution et ne bénéficient pas totalement d'une intelligence multidimensionnelle. Donc, vu que leur intelligence est en relation avec de la connaissance, avec de la mémoire, ben, c'est limitatif. Et ça restreint beaucoup d'individus. Donc, c'est ce qui fait en sorte que des individus vont être appelés à se déplacer sur le plan physique. Ensuite, en relation avec la fin du cycle, c'est sûr que des entités vont s'opposer à ça, ce qui va découler par des manifestations d'attentats terroristes. Ça peut donner place à des conflits armés dans certaines zones du monde parce que les gens qui avaient le contrôle avaient une certaine idéologie ou façon de penser. Du jour au lendemain, quand ils se voient contester, eh bien, c'est sûr que ces gens-là n'ont pas nécessairement, et les entités derrière eux autres, n'ont pas nécessairement le goût de voir les choses être modifiées. Donc, ils vont résister au changement. D'ailleurs, le phénomène de la mondialisation, présentement, amène beaucoup de perturbations au niveau collectif parce que lorsque la mondialisation se produit, donc lorsque les peuples vont adopter, que ce soit des règles politiques, des règles économiques communes, ça fait en sorte qu'il y a certains pays qui peuvent se sentir brimés par cela et des individus qui vont être en réaction. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent fonctionner comme ils fonctionnaient depuis des siècles, des millénaires et des entités aussi parce que quand on fonctionne d'une manière connue, ça donne un certain sentiment de contrôle et de sécurité. Donc, il y a des entités qui tirent profit de cela et qui vont faire en sorte que l'ordre établi ne soit pas modifié, étant donné que dans l'ordre présent, elles ont un rôle de choix, elles ont un rôle de pouvoir. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des êtres qui vont être poussés à commettre des attentats terroristes pour fragiliser des forces qui visent à amener un changement qui amène une divergence en fonction d'idéologie, en fonction de croyances et de politiques qui proviennent du passé. Donc, c'est sûr que la minute que l'être humain a accès à une idée nouvelle, si l'être humain est stable dans le mental, il peut l'intégrer. Mais s'il est instable, s'il est très émotif, s'il est très orgueilleux, bien, cette idée-là lui crée un choc, lui crée une opposition. Ça peut lui occasionner une souffrance, ça peut l'insécuriser. Donc, la minute que l'être humain est confronté à une idée qui est nouvelle, qui provient du plan mental, et c'est sûr que plus que l'idée diverge de ses mémoires, et plus qu'il peut vivre de l'opposition ou de la résistance par rapport à elle, étant donné qu'il va chercher le confort de ce qu'il a connu dans le passé, surtout s'il est instable émotivement, parce que l'idée nouvelle va le remettre en question, va le perturber, ce qui fait en sorte que plus que l'être humain est fragile dans sa psyché, parce qu'instable émotivement, plus qu'il va réagir en fonction d'une idée nouvelle. Et la problématique de la civilisation présente, c'est qu'elle va être de plus en plus, au fil des prochains siècles, bombardée par des idées qui proviennent du plan mental pour changer la société et la civilisation en vue de modifier ses fondements. Donc, il va y avoir beaucoup d'oppositions qui vont être produites parce que Les idées qui proviennent du plan mental, l'un des éléments qui caractérise, c'est des idées qui sont choquantes parce qu'elles ne font pas référence à des éléments du passé. Donc, quelqu'un qui se fait présenter une idée qui correspond à ses croyances, ah, c'est facile à intégrer. Mais si ça ne correspond pas à ses croyances, eh bien, à ce moment-là, la personne peut interpréter ça comme une opposition. Donc, plus que l'idée diverge et son niveau vibratoire diverge de son niveau vibratoire présent, et plus que cela peut l'amener à avoir de la réactivité émotionnelle, et c'est tout à fait normal. Au niveau collectif, ben, ça peut se traduire, bien sûr, par des combats armés, des guerres. Et puis, les événements de fin de cycle sont en relation avec l'apparition aussi de nouvelles technologies qui vont favoriser la diffusion rapide et instantanée des idées, comme par exemple Internet. Et plus des gens sont exposés à cela, si ces gens-là n'ont pas les cadres pour contenir et intégrer les nouvelles idées parce que trop instables émotivement, bien, ça va amener des réactions extrêmement opposées à ces idées-là. Donc, ça peut être des gens qui manifestent, mais ça peut être des gens aussi qui commettent des actes terroristes, parce que ces gens-là, en tant qu'égo, vont se sentir menacés par rapport à toute forme d'idées nouvelles. Donc, le changement de cycle occasionne un rayonnement d'idées nouvelles sur la surface de la Terre, avec l'émergence d'individus nouveaux qui vont vivre en concordance avec ces idées nouvelles. La transition, c'est sûr que ça va amener des remous dans la société. Tous les aspects de la civilisation vont être passés en revue en fonction de la descente de l'intelligence de l'esprit. Donc, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le système économique, le système politique, ensuite le système au niveau des activités sportives, au niveau de la guerre, de l'armée, tous les aspects imaginables de la société vont être remis en question par des gens qui intègrent des idées nouvelles qui proviennent du plan mental. Donc, d'un côté, il y a des gens attachés au passé en relation avec le plan astral qui ne voudront pas changer parce que c'est confortable. Toujours faire la même chose en lien avec le passé, ça donne un sentiment de contrôle, de puissance. Et il y en a d'autres qui sont mis en vibration pour apporter du changement, ce qui crée à ce moment-là des tensions. Et éventuellement, la vibration de la Terre va être rehaussée. Et puis, l'âge d'or du temps de l'être humain nouveau, l'être humain qui vit la fusion, va fleurir là, au cours des prochaines décennies, après la période de transition où l'être humain va être appelé progressivement à délaisser le plan astral pour intégrer davantage la vibration de l'énergie mentale. L'un des événements majeurs qui va marquer la fin du cycle présent, où ce que l'humanité vivait un état de quarantaine par rapport au cosmos, étant régi par des entités sur le plan astral qui faisaient une gestion de l'humanité, en acheminant des pensées aux êtres humains en provenance des entités qui y résident, ça va être la levée justement de cette quarantaine et le contact de l'humanité présente avec des êtres d'outre-espace, donc autrement dit des extraterrestres. Donc l'un des événements qui va être le témoignage de la fin de l'ère présente, où ce que l'humanité sous influence astrale était contenue dans une zone de quarantaine par rapport aux autres êtres du cosmos, étant donné son immaturité psychique, et le fait qu'il va y avoir sur la surface de la Terre suffisamment d'êtres en contact avec le plan mental pour interagir intelligemment avec les extraterrestres, qui va faire en sorte que les extraterrestres vont se manifester d'une manière directe sur le plan physique auprès d'eux pour qu'il y ait des communications entre des individus équilibrés et eux. Ce qui veut dire que si les extraterrestres seraient manifestés avec des êtres sous influence astrale, eh bien, ces êtres auraient sombré dans la croyance à l'égard des extraterrestres. Ils en auraient fait des dieux. Et aussi seraient laissés influencer par eux. Parce que les êtres humains n'auraient pas eu d'identité qui leur donne une valeur propre liée à l'intégration de leur multidimensionnalité. résultant de la fusion de l'âme et de l'esprit. Mais lorsque l'être humain a intégré son être, donc sa vibration, et qui est animé d'une énergie mentale, il y a là la capacité d'avoir une psyché qui a une force, qui a une volonté, qui peut égaliser celle des extraterrestres, donc qui peut lui permettre d'avoir des rapports équilibrés. Un des éléments qui va marquer d'une manière significative le cycle nouveau, c'est la capacité de l'être humain qui vit la fusion avec l'esprit d'interagir avec des extraterrestres sur une base égalitaire sans qu'il y ait aucune fascination de par ces êtres humains qui se rapportent au cycle nouveau et aussi l'émergence de capacités qui va permettre à l'individu de faire une gestion active de la Terre et notamment de la météo par rapport aux intempéries et également aux catastrophes au niveau de la Terre qu'il peut subir. Donc, autrement dit, lorsque le cycle nouveau va être entamé, eh bien, c'est sûr que certains êtres humains vont développer des capacités psychiques un peu à l'image des mutants dans les films de X-Men qui vont faire en sorte que ces humains-là vont être capables d'être des gestionnaires actifs de la Terre plutôt qu'être des gens sous influence d'entités astrales qui faisaient jusqu'alors la gestion active de la planète. Alors que dans le cycle nouveau, au lieu que l'être humain se fasse dicter les lois par des entités astrales, c'est lui-même qui va dicter les lois au niveau juridique, au niveau des principes de vie, en relation avec sa perception individualisée de l'intelligence qui provient du plan mental et du savoir qui va être capable de canaliser à l'intérieur de lui. Donc, lors du cycle nouveau, c'est une gestion qui va être totalement différente, qui va s'opérer à la surface de la Terre, qui va diverger de celle qui a eu cours au fil des derniers siècles, étant sous l'influence d'entités astrales, parce que la gestion qui va se faire par les êtres humains qui vont bénéficier de l'éclairage de l'énergie du plan mental va viser l'émergence de la créativité en chaque être humain et de permettre aux êtres humains d'accéder à leur plein potentiel et de rehausser leur taux vibratoire. Et plus qu'il va y avoir d'humains conscients à la surface de la Terre, et plus que le mouvement va s'accélérer et devenir rapide, va devenir exponentiel, parce qu'il va y avoir une structure énergétique de type mental qui va remplacer progressivement la structure d'énergie astrale qui entoure le globe terrestre. Donc, autrement dit, la structure énergétique se rapportant à la Terre va être totalement transmutée, au même titre que la psyché de ses habitants, ce qui va faire en sorte que le taux d'énergie des nouvelles personnes qui vont s'incarner au fil des prochains siècles, leur vitalité en relation avec l'intégration de l'énergie mentale, va permettre à ces êtres humains de connaître un développement beaucoup plus global qu'ont pu connaître leurs ancêtres, étant donné que les êtres humains nouveaux vont bénéficier de l'intelligence créative qui descend présentement et vont faire descendre davantage d'intelligence créative sur le plan matériel. Et au fil du temps, bien, c'est un rehaussement constant de l'énergie de la Terre jusqu'à temps que la structure d'énergie astrale qui a été créée il y a plusieurs millénaires prenne fin. Bien entendu, d'ici là, il va y avoir de la résistance par rapport à la structure d'énergie astrale des entités qui résident, qui vont acheminer des pensées à des êtres humains pour les amener à avoir des résistances justement au changement parce qu'eux autres en ont. Donc, c'est sûr que ça va occasionner des tensions à mesure que l'énergie mentale va pousser pour qu'il y ait du changement et que celle astrale va résister à ces derniers. Mais tôt ou tard, c'est juste une question de temps. Le changement va avoir cours étant donné que l'intelligence qui est en relation avec le plan mental est de type créatif et a une capacité de renouvellement. alors que l'intelligence qui se rapporte au plan astral est de type mémoriel, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des mémoires du passé et elle n'a pas la capacité de se renouveler, de se revitaliser, alors que l'énergie qui provient du plan mental se renouvelle constamment dans l'instantanéité du moment présent parce qu'elle est créative, alors que l'intelligence qui provient du plan astral, elle est accumulative et elle s'appuie sur l'âme qui, séparée de l'esprit, va avoir tendance à mémoriser des informations, des données, dans le but d'exercer un contrôle sur la matière, alors que l'intelligence qui provient de l'esprit ne résulte pas de l'accumulation d'informations, mais résulte plutôt de la manifestation constante d'une créativité sans borne, sans fin, qui est infinie à l'image de l'esprit, qui est une vibration qui ne peut pas être contenue dans une forme. Donc, par définition, l'intelligence du plan mental va prendre le relais sur l'intelligence en relation avec le plan astral, qui met en relation certains individus avec le plan astral lorsqu'ils canalisent consciemment ou non des pensées qui proviennent de ce plan de réalité énergétique, étant donné que le plan mental, c'est une énergie qui a une capacité de garder un dynamisme avec le temps, alors que le plan astral, une certaine stagnation, parce que le plan astral ne crée pas de mouvement créatif, donc il ne fait que répéter, interpréter, organiser, structurer, analyser. Donc, le plan astral, de par sa limite en termes de fonctionnement, ne fait que bénéficier des résidus d'une intelligence créative qui a été manifestée dans le passé. Donc, lorsque l'esprit se manifeste à partir des informations qui sont canalisées par des êtres humains s'y rapportant, bien, c'est sûr que ça donne de la connaissance. Et à ce moment-là, cette connaissance-là peut être utilisée, réorganisée. Par contre, ce n'est pas l'organisation d'informations qui donne de la nouveauté, mais c'est plutôt la canalisation, ce qui fait que la fin du plan astral, c'est juste une question de temps avant que cette structure d'énergie prenne fin. Et tout dépendant la vitesse et la capacité d'intégration des êtres humains sur Terre, c'est ça qui va déterminer comment vont se dérouler les événements de fin de cycle, à savoir s'ils vont être douloureux ou non. Bien, c'est en fonction du degré de résistance ou d'ouverture de l'être humain à l'égard des énergies qui proviennent du plan mental et qui descendent dans leur psyché par l'achemination d'idées créatives qui proviennent d'esprits du cosmos qui sont au-delà de la Terre. Bien que désagréable pour certains égos, l'intégration de la vibration du plan mental, surtout lorsque ça se fait dans un contexte où ce que l'ego est chambardé par des événements qu'il n'a pas choisi, qu'il n'a pas désiré. Donc c'est sûr que c'est normal qu'il peut avoir des résistances. Par contre, c'est sûr qu'à long terme, ça va permettre à ce qu'il y ait des êtres sur Terre qui aient un taux vibratoire rehaussé et qui vont modifier les institutions sociales de sorte qu'au fil des prochains siècles, les droits des êtres humains vont être davantage respectés, en ce sens que ça va être la fin des dictatures, des régimes d'oppression. Donc, tous les droits humains qui sont encore bafoués aujourd'hui par des êtres sous influence du plan astral, eh bien, ces êtres vont être obligés d'arrêter leur comportement sous l'influence d'êtres qui sont en relation avec l'énergie du plan mental. Et éventuellement, à l'échelle de l'humanité, il y aura des règles beaucoup plus strictes pour empêcher les abus, les situations d'esclavage, les situations de pauvreté extrême, pour que le milieu de vie humain soit beaucoup plus agréable et paisible. Donc, autrement dit, les êtres humains, éventuellement, ne seront plus victimes de violences physiques, de violences psychologiques et verbales, de par l'intégration de lois au niveau juridique à l'échelle de l'humanité, que ce soit des hommes, des femmes, les enfants, les personnes âgées, parce que l'intégration de l'énergie mentale va permettre une intégration beaucoup plus importante du principe de l'amour vécu en conscience, c'est-à-dire de l'amour de l'être humain pour l'être humain, plutôt que des rapports de domination entre des êtres humains. Donc, autrement dit, les problèmes sociaux, que ce soit des problèmes de guerre, de terrorisme, des problèmes de consommation de drogue, ensuite du crime organisé, tout ça va être neutralisé de par l'intégration de l'énergie mentale d'une manière harmonisée pour donner une civilisation humaine renouvelée. Et aussi, il va y avoir des idées créatives qui vont être acheminées à l'être humain pour qu'il développe des technologies beaucoup plus respectueuses de l'environnement que celles utilisées présentement. Et éventuellement, le langage universel qu'il y aura sur la Terre sera celui de la télépathie, donc la communication entre les psychés des individus directement par vibration, plutôt que de communiquer des idées encryptées dans des symboles, des langues, que ce soit le français, l'anglais, le chinois. Donc, autrement dit, les gens, peu importe leur langue d'origine, s'ils en ont connu une, eh bien, vont pouvoir communiquer avec d'autres êtres humains tout simplement en étant capables de se brancher sur l'esprit de l'autre être humain. Donc, ça va être une communication d'esprit à esprit par l'échange d'énergie, plutôt que de communiquer d'une manière verbale en acheminant des sons qui représentent des mots, donc des sons qui sont codifiés. Donc, ça va être une autre forme de communication qui va être utilisée. Et l'humanité qui va ressortir des événements de fin de cycle va avoir acquis une très grande maturité,